sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Et on renoue, Henri. Toi et moi, pour des guerriers arrués, ça fait un petit bout de temps. Hein. Voilà, remplaces ta remplaçante. Je remplace ma remplaçante. Je remplace Anne Le Brigand, qui brillamment avait pris le relais. Là, Anne n'étant pas disponible, mais c'est très momentané, on rassure les auditeurs. C'est moi qui vais mener un peu cette émission avec Henri Hinterbrezonek, numéro. Alors, Hinterbrezonek, numéro 366. Voilà. Comme une année bissextile. Et en breton, ça fait Trihanwera Trihugen. Ben voilà, j'allais le dire. Voilà. Henri, guerrier arvué pour commencer. Alors, quel est le mot du jour? Alors aujourd'hui, c'est pas un mot, c'est une expression. C'est Kavudhir Namza. Ah oui. Parce que. Ça, c'est dur. Kavudhir Namza, oui. C'est ce qui rend un peu presque s'ennuyer. Mais parce que en breton, en fait, il n'y a pas vraiment, on va le voir, il n'y a pas vraiment de verbe qui rende l'idée de s'ennuyer. Parce qu'on peut trouver le temps long en travaillant quand on est breton. Voilà. Oui, parce que en fait, dans les sociétés traditionnelles comme la nôtre, personne ne s'ennuyait puisque les gens étaient occupés au maximum. Ils n'étaient pas oisifs. De leur capacité, quoi. Et donc l'ennui, en fait, c'est une invention des. Même les mendiants et tout étaient occupés, quoi. Ouais, mais peut-être que c'est les aristocrates qui s'ennuyaient, non ? Peut-être, mais dans une société moderne, on s'ennuie de plus en plus. Ah, à la limite, une société moderne aboutie, ce serait une société où tout le monde serait désœuvré, quoi. Voilà. Hein, on aurait des campagnes sans paysans, des bureaux sans employés, des écoles sans maîtres. Voilà. Donc tout le monde serait désœuvré et tout le monde s'ennuierait, quoi. Bon, j'espère qu'on n'ira pas vers là, qu'on trouvera quand même une parade. En tout cas, s'ennuyer. Donc, mais il y avait une expression. Donc, il y a aussi un verbe. Hein, il y a quand même un verbe qui rend un peu ça, on va le voir. Mais l'expression la plus courante, c'est « kavudhir namza ». Voilà. Et on entend dire, par exemple, « miegavhir namza ». Et alors, on trouve souvent ça dans les chansons, en fait. Et en général, on s'ennuie. Enfin, on s'ennuie. On trouve le temps long quand la personne aimée est loin ou bien comme on est par exemple désœuvré. Par exemple, il y a une chanson de Jean Desrien là qui a écrit beaucoup de chansons, dont une que je trouve très belle, c'est Pesqueterien Ariaudet. Où il dit de the beur et betagnons migavo hier un amzer, il parle du paradis et il dit amazigwir barados ne ne znetra do beur de the beur et betagnons migavo hier un amzer. Donc il pense qu'il s'ennuiera au paradis s'il y a rien à faire. Ah oui, il préfère pêcher. Voilà, alors il envisage de demander une permission à Saint-Pierre, une permission pour sortir et revenir sur la côte pêcher. Voilà. Alors, on trouve ça aussi, souvent, je l'ai dit, hein, souvent dans les chansons, quoi. Hein, et bien sûr, on trouve dans des chansons aussi le contraire, Kaoudber Namza. On trouve le temps court. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, il y a effectivement un verbe qui ressemble un petit peu à s'ennuyer, qui est Hirvudin, hein, et d'ailleurs qui a la même racine, hein, Hir, hein, de long, quoi. Hein. Mais c'est aussi geindre en même temps, se plaindre, hein. Voilà. Et dans une Durzunel, par exemple, un Hirvudin Ranonsde, hein, elle s'ennuie à longueur de la nuit et le jour, quoi. Voilà. Cette chanson qui est très belle, hein, qui a été faite par Paul Tréhouré, hein, donc un ecclésiastique, et donc. Qu'on peut chanter sur plusieurs airs, hein. ça se chante aussi en gavotte, hein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voilà. Alors dans les cours de breton, on apprend d'abord la mélodie et après on chante en gavotte, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Donc, Kavudhir Namza. Et on trouve aussi, par exemple, C'est un peu dans le même ordre d'idée, dans Martel Odiowong, hein. Francisant Awayawong, Gave Hir Namzor, hein. Donc c'est toujours ça. C'est toujours l'absence de la personne aimée ou la séparation. Aussi les soldats qui sont séparés et tout ça. Hein, c'est une forme d'ennui, mais particulière quand même, hein, Gave Hir Namzor. Alors bien sûr, le contraire, hein, je l'ai dit. Quand on se languit, en fait. Oui, on se languit, oui. Voilà. Et le contraire, c'est Gave Hir Namzor, hein. Par exemple, j'ai entendu dernièrement dire Grand Marcel ve kavet ber ve kad hier namza, ou alors on ve kad ber namza. Alors je laisse aux auditeurs le soin de savoir de quel Marcel il s'agit. Voilà. Ben voilà, mais en me gavant que hier namza. Non. Non non. Allez, on passe à la seconde partie. Brison nectan matam. Alors aujourd'hui, le dialogue, Henri, on part à Zantoluk. Oui. Est-ce qu'il y a une veillée ? Oui, voilà, il y a une veillée pour la... Il y a eu lieu, qui a eu lieu en fait pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre, tous les ans. Donc ça te rappelle quelque chose cette date-là, non ? Le 23, c'est la Saint-Clément, c'est un peu mon anniversaire aussi. Ah ouais, ah ouais. Donc c'est le 22 novembre. Donc voilà, Charlie qui est allé voir Job Nédé, le gars qui, l'instituteur en retraite, qui s'occupe de plein de choses. Hein. Voilà. Très actif. Salut Job, ma de jeu. Ya ma tré, Charlie, à ganar. Ma dit, mais Job, la redin clévet meus ou abet un déa, leur veillat dek bazon toluk. Ya, or veillat dek, pe or filage, ma peu soin. Bien plat, ve gredzé, un ei warnuk, un de zvis du. Devez zante Sicilia, a plijad, yo ve dermat. Kal ze du da zo bet. Ya, war dro perug ne du de wa. A zon erien. Ya, zon erien a kan erien, reyo ang a regoz. Bepsor bin viaou mem klevet, trejen gol, violon, stelen, bwisten djoul, binyou, bombard, a kan de boz, a kan a diskan, a givid e chui, o ban ar guir tom, pe o ban ar dourazen de bepini, ya, plijad ur zo bet. Allez, on reprend phrase à phrase. Ce dialogue sur la veillée de Zantoluk, donc qui a lieu chaque année à la Sainte-Cécile. Salut Job, ma de jeu. Ouais, salut Job, ça va quoi, hein? Ma très, Chanik, à Gunnar. Très bien, Chanik, et vous hein? Ma dit Job. Et avec vous, quoi, ce serait la traduction. Oui, très bien aussi. Voilà. Mais la redine clévée de muse et wabed un déal, veillée avec ma Zantoluk? Mais ouais, dites-moi, j'ai entendu qu'il y avait eu, hein, clévée de muse et wabed, hein, qu'il y avait eu un déal l'autre jour. Alors, veillade avec Zantoluk, donc une veillée à Zantoluk.

Troisième partie d'émission, Petra Zonevé-Avro. Petra Zonevé-Avro, calze drau e veljus boervej diouzan. Krogom de dienton velkis a custum gandela bourdouar hag ar vue war armez. Tostad ram de sfin ur blad au vildouzek a deja ve komp ze calz de smari ar goelioù ne deleg hag un detienton blad. War da chenela bourdouar ve komp ze calz ar mareman deus ur pag neve. Ur pag e ur politikerez bro Europa evit ar la bourdouar, war da chenela bourdouar. Hag sans se ar pag neve, de vout prest, vid un nan da viltrizek. Me kalz eus eich ble eus oas evel just, evit resis ad un trau. Ne ke bra, ne ke dez, bopet lakad un dro d'un dol seiz bro war nugen. Herve pe sobet disklerie deja, un pag neve, et lefe mont peloc war da chen doujans un en dro. E galak velar et ze, verdissement de la pac. Hag war dro tre grand dregant de ze zikour yo ro e de labouré a yon douar, ave fe liam met breman, gant doujan zon en dro. Gwellet vo pe sembo de vo kon. Bal dis kar amzor ve a houls de d'obergist evel just. Hag a on tambe pe bler ma trezen peus gwell a ze, ve gret gwell yo tro dro d'orgist evel oa an deel ba chapel neve. Ma trezen peus kleve de nabar d'un tu de zevro, war ar gwell ze a oa be gret gant Jean-Pierre, Guyader, hag a oa komze de n'or brao, mod brao tre de zegist. Pe ve komze de zegist, a liz ve komze de zlambik, evel just, putur, gant giz ve gret lambik. Hag gant giz mod ve gret lambik mod, hag gant giz fal ve gret lambik fal. A ba, ba blado vil trezek ma trezek, vo ro de naose vel vel aret de lambik breiz, evel zo nan evit halvados, halvados e lambik bro Normandie. Gwellet vo pe sa mod vo kont gant un draze. Evit chom an tamm war da chen un endro, kom ze ve kalz ur mar e mon roas, kom ze vo joan joan pat pel, deus kreizet nukle el brenilis. Pel zo vez kom ze deus disevel brenilis, vel vel ar dekonstruksion en galag. Hag sans et VFB ekret ze, rog daouvil triver. Mais der mat vel ar de vo gret diouzator. Hag mi de jonj miz yo roa vo gwelet de tour braz beren iliz ba tal len en an pad pel. Ma trezen vef e mwen moyen dor putur ma vek distruje de vo moyen dor ma trezen o mirdi, hein, mirdi ur gaouyer da skouer, vef e mwen mat ar eren an, putur zo belard kalze gaouyer war zi. A pe ve gwell pe gen sterd e distruj o greiz en vi an vel bren elis, ve kompren e mod vo sterd ar oas a pel koustus or, dize vel onan e vel fesenaim. A mi jonj a greiz en fesenaim vo gwell da tal ster en an ster rin pa de pel oas. Ka pe ve gwell pe sa mod mon kont ba bren elis, greiz donc ba fesenaim vo tu vo kader an oar des istruj en draze. Mais chom me rey, a ma trezen vo greiz dormir di ba fesenaim. Mirdi greizen ou nucléel va fait bête on dra fentus quoi enfin fentus négligent fentus mais redé farce al même stra un temps bon vicho mon temps me war dachen en endro comme je vais calzar vraiment de the lostas lastes puis louston il m'a besoin galak velardzi déchets ordures de sambot ag vraiment ve te le calze louston di grand un dut un pel mur vini vigé gred corrigé ag avec guar at pet d'or grand oris bon di bob vein hat trait de vein bob son beau ve gred bénéfine choma louston di ne se mande rente de louston di di ous en de rise ve lard déchet ultime une galagbras ag pet ve gred grand oris bon homme brise une casse de changer à une drôle de laval hein. Zo pez tout le bras de la canet tout. Da skouer de ce département de Penorbit ve kasse de pembil camion ad louston i dis bepla de changer. Hag un dud ba enan ba mayen zo a iskuiz de velze pe dion ho oulan ket ve febe de gret de ce département de Mayen un tout louston i benefit. Hag bon zo kude i nou ganze. C'est du roi vo red de Mir o dom louston ni ur vech penek de breiz. Hag bon vek gwar gwalger petet d'or gantek a den e ben eus de vel de louston ni zet al dan. à ce jour, avec comme je désore au nom de ben, au Vengleuse, à Rabat, Zandvar Zineur Parkeyer, hein, Saint-Martin-des-Champs, une calèque, avait fait bien là que de l'ouston y est, non, mais bon, je roi rendu de trop à dro, ne vont que de du grand-si. Ah, sais-tu, bon, je cudé, nous gagne l'ouston y. Warda chenor politiquer, ne la rin que calze droit à vigement, chouloir et un troupe, dur ne ce que votadeg ou roger blado ville perzek, blado ville perzek, vous votez les vies de merio, à gazé, je roi, on tombe rogue, vous gueule de politicour, y'en a fraîchen, on tombe warzi, mais bêta vraiment mon chouloir intro. Bon, sais-tu, pudion de ce que calze droit de l'ardoir, politiquer, semble de gomme, on tombe de zévénadion. De ce que gueule belzo, moi, comme je d'art de ce, guerrier dur, Francis Favreau, vous une bande de babla de zon. Ag, végèle roise, moi, comme je d'art de ce guerrier dur Martial Ménard. Zo deux néso, mes, hein, ma treize ne peut se bégoelze, hein, clévetze, agouelze, ag, guerrier durel, hein, zo bédimban de néveso, ouas, qui dit Jean Ledu, ag, zo, war arbraison de Pougourskan, a tro wardro, ba brodriger, a ma treize ne peut se clève d'un, on aborde un oua bégret gant Jean-Pierre Guyad, d'un de ce que gual belzo, gant Jean Ledu, au display, gant, on tombe, spire de, bah, pessar spir, neus gred, guerria d'urze. Guerria d'urze ve, quand, avec cas de guerriou de Brodriger, hag, un mot de zistag en est, hag, squirriou et veljus vide, diski pessar mode impliger guerriou. Bon, non, il ne soin de gav guerria d'urri au niveau de zibab, nan, pétant man de brain, on est tout, man de zézoir. Bon. Pédure, on, comme on tombe de ce pesso bé d'une vente, une bande bavro, cas elle est verre, y'a ouvé, une bande. Au nom, zo bé scrive, ne ce que gual belzo, gant Gérard Lomener, a zo un din, a zo chom ba gwenet, a ge zo an aven mod, vide, il a bo war dash en zon ere, ze grey, grey namzan. Je vais là, musique médiévale, hein, galak. A ge liver ne ce grey d'ar, ne ce que bande de velg en zon ere, ze namzan grey, et, tientor lever war en goun ar meñ, e vel ur peul van nou, pez vel ar menhir in galak, hein? Hag, un dol meñ ou, trop disse, quoi. A Gérard lor menek, un eus gret d'in o, un in o bras, d'im ban, un i lever ur, ur gontad an o brezon eug, moa kas dan, ur gontad an ze moa beklev eug gant meur maïlous, o ne ba blai o zo, hantor kant lasso, hag, o nons de tientan blau, hag bon Gérard Lomeneg ne zlak de gontadense gomz deus peul van menedielag, hein, deus posog menedielag, hag e in balad en brezon eug balevers, troen in galag evel just, hein, troen moaneg in galag evid red o warant ke brezon eug. Bon, vi genomz eur gontandar deus fanch peru, zo barz a skrivanyor, en din ze skriv un dra benek de brezon eug bemde, hein, de, l'arani oise ou ar RKB, ar vej ou ar angwagen ou RKB, hag, hez neus beskrivet ou ar dro ugen lever e brezondeg, hag, nevieso neus gred o lever e barzondegou, hag zo hanvet kan ur stivel, hag ar lever zo brezondeg a galak, a mam zo un tom zozneg, hag un tom alamandeg barz, hag imban le deg an skol vreiz, hag rakstriv zo, rakstrid, hein, une préface, velar d'un galak, hag zo skrivet gant yant ber pirio. Bon, kalze le ver yo ve in ban en ebra, iz neus ke benefi ne ke bra komz de se tout, petan ma leve fe bet red ka de honneur a baden, de gomz de souze. On den gant ba mel kare, Gérard Boutier, ar ne skrivet de neveso o lever o komz de ze ur vue e breiz pa de brezel. Pe oa an alaman eut bavro. Hag an den se Gérard Boutier ne skrive skalze varzoneg o rog skrivan leverze zo hangvet a chok infini. In bande de gant ur stal a resi. Hag ur plarel de zevro Nicole Guégan de Skarnoen ne skrive o lever o komz de zi yo wankis. Hag jusma de hang le lever e amzer yo wank. In bande de gant Henri des Abbayes zo ba felger. Wardash en arbrezon, vraiment, un éveso, ou à Igor, typos bacarez, un typos au behat champenet, hag a vilor vechien tant vo gwell un tamm brezon neuk skrivet ou un ti post, a mammes matrezen vo klevet un tamm brezon neuk komzet, pudur zo im plijidi a zo kat de gomz brezon neuk. Un tamm kamman c'hoaz vid warog vid ur yez. A war ze ma peus oant vo echuet, pudur zo kalz draou de l'ar, me l'ar d'vogn ben ar vegel. Setu l'ar amdar tienon, kenavo, chilo en ar kabe, tien ar vegel.